Anna se leva péniblement les paupières, les cils tout collants, du sable plein les yeux. Il faisait noir et elle avait sacrément mal partout. Elle tenta une manœuvre de déploiement d'une jambe. Elle cria, le pied était coincé sous quelque chose. Elle souleva une main et sentit une lanière enserrer son avant-bras tout en berlificoté. L'autre était restée accrochée. Une fois libérée, ses mains douloureuses partirent en reconnaissance dans le périmètre immédiat. Elle perçut une matière douce et fraîche, un peu comme de la mousse, celle qui pousse au bord de la rivière près d'eux. Elle se rappela la maison, Nan, la montée, puis sa chute. Jusqu'où? Elle l'ignorait. Elle avait dû se cogner la tête parce qu'elle était étourdie. Elle resta un moment comme ça, la main caressant cette douce chose. Elle repartit en exploration, longeant sa salopette. Arrivée à mi-cuisse, elle tâta une grosse masse irrégulière sous la cuisse. Et elle sourit dans le noir. Un tas de gravillons s'était accumulé dans les jambes de pantalon, remonté jusqu'au-dessus du genou. Elle étendit les mains au-dessus d'elle, devant, puis sur les côtés, et ne toucha rien. Encouragée par cet espace, elle s'appuya des deux mains pour relever prudemment son buste. Un peu mal, mais pas trop. Par contre, ses fesses lui piquaient sérieusement. Forcément. Elle allongea les bras en suivant la cuisse, le genou, le tibia et tâta le pied coincé. Tiens, elle sentait son gros bas, mais plus de chaussures. Le pied semblait enfoncé dans une sorte de fente au bord rond. Elle chercha ses orteils au-delà. Ouf, ce n'était qu'une racine. Elle ramena son autre jambe dans une position plus confortable et ainsi assise, réfléchit. Elle se mit à fouiller fébrilement ses poches. Voilà, dit-elle à voix haute, à quoi cela se sert de se trimballer avec des tas de choses. Inutile, selon sa mère dans les poches. Un couteau pliable pour les champignons, un bout de cordelette, un grand mouchoir et une longue sangle dans la grande poche arrière, et des allumettes. Son foulard qu'elle avait l'habitude d'entortiller dans ses cheveux avant de le nouer avait tenu bon. Elle craqua une allumette et découvrit son environnement. Une sorte de grand trou, pas vraiment une caverne, aux contours irréguliers et noirs. Elle en craqua une deuxième. Elle pourrait sans doute y tenir debout en courbant l'échine. S'il y a de grosses racines, forcément, j'ai dû glisser au moins jusqu'à la ligne des arbres. Pas trop loin de la maison, espéra-t-elle. Ah, si sa mère avait accepté de prendre un chien, il l'aurait certainement déjà retrouvée. Mais non, elle avait prétendu qu'avec l'âne, il n'avait pas les moyens de nourrir un chien en plus. Elle entreprit de dégager son pied de la mâchoire de bois. Elle tira de toutes ses forces vers le haut en essayant de retirer le pied. Sa cheville lui faisait mal. Elle recommença encore et centimètre par centimètre, finit par l'extraire. Des larmes de douleur coulaient sur ses joues. La cheville était enflée, mais peut-être pas cassée. Elle prit un peu de cette chose fraîche et douce qu'elle appliqua sur la bosse en dessous de la chaussette. Elle déplia le mouchoir duquel s'échappa quelque chose et noua le tout solidement. Elle pensa tendrement à Nan. Le quelque chose était en fait un morceau de sucre et une carotte qui lui était destinée. Son estomac criait famine. Elle hésita un instant, puis choisit le sucre qu'elle laissa fondre dans sa bouche avec délice. Du coup, la douleur diminua très nettement. Après ce bref répit, l'angoisse et la peur prirent possession de son esprit. Faut que j'essaye de sortir d'ici. Logique, si j'y suis rentrée, je dois pouvoir en sortir, à moins que ce ne soit très profond. Il y a des racines très profondes. Arrête de penser à ça. T'es rentrée, tu vas sortir. Précautionneusement, elle parvint à s'accroupir et lentement se mit debout, rentrant d'instinct la tête dans les épaules. Des graviers et de la poussière s'écoulèrent le long de ses jambes et elle imagina deux petits monticules se former à ses pieds. Elle était grande pour son âge. C'était donc un gros, grand trou. Mais pourquoi, en levant la tête, ne voyait-elle aucune lumière, même toute petite? Était-il possible qu'il fasse déjà nuit et qu'elle soit restée dans les pommes tout ce temps? Elle n'en savait rien, et l'inquiétude montait. Et si on l'oubliait dans son trou? Elle craqua une allumette et prit soin de regarder sa flamme. Il y avait un léger courant d'air qui semblait venir non pas du haut, mais de sa droite, car la flamme s'inclina à gauche. Elle tendit l'oreille, rien, pas un bruit, à part le souffle de sa propre respiration. Même si c'était de grosses allumettes, elle n'allait pas tenir longtemps. Nerveusement, elle tripota à nouveau les nombreuses poches qui jalonnaient sa salopette. Elle tressaillit de joie en tâtant sous ses doigts un objet longé dans la longue et étroite poche de la jambe droite. Elle l'avait oublié. De ses doigts engourdis et écorchés, elle saisit un vieux briquet à amadou que son grand-père lui avait donné peu avant sa mort. Le seul objet précieux qu'elle ait jamais reçu d'ailleurs. Elle ne l'avait jamais utilisé, mais grand-père lui avait montré et expliqué comment faire. C'était il y a un an quand même. Elle ramassa ses souvenirs, tirée sur le bout de la mèche, aérée en la faisant rouler sous les doigts, actionner la roulette de la pierre ou alors craquer une allumette pour l'allumer. Aussitôt dit, aussitôt fait. Ce fut d'abord un rougeoiement et enfin une flamme souple et bienveillante. Elle se sentit rassurée par la lumière vacillante du briquet. Elle jeta un regard circulaire en tendant le bras à chercher sa godasse. Elle n'était pas là, tant pis. Prudemment, elle partit en direction du souffle d'air frais. Au moins, se dit-elle, je ne mourrai pas asphyxiée. Au fur et à mesure, l'air se faisait plus insistant sur sa joue. Elle continua dans cette direction, tout en essayant d'évaluer les distances. Il lui semblait que le plafond de son trou s'arrondissait un peu. Et c'était peut-être le noir et la lumière fantomatique qui lui donnaient cette impression. Progressant lentement, appuyant le plus légèrement possible sur sa cheville, endormit Lori. Elle changea le briquet de main et laissa ses doigts courir sur la paroi. De la terre, noire et dense, voilà ce qu'elle touchait. Elle fut parcourue par un frisson de panique à l'idée d'être enterrée vivante. Allez, Anna, pense à Nan qui doit certainement se prendre la tête avec ma mère. Elle n'a jamais pu s'y prendre avec lui. Elle ne l'écoute pas. Et il le lui rend bien. Fort probablement qu'elle a continué à grimper, sinon elle perd le chargement et les sous. Puis là-haut, ils ont des chiens qui savent tout faire. Alors en demandant de l'aide, sûr, ces chiens-là savent tout faire. Tu sais ce que j'aimerais faire avec toi, Nan? Descendre vers la vallée et le village du bas, courir et se rouler dans les herbes hautes. Peut-être que les villageois te donneront des carottes, ou même un peu de foin, un bout de pomme pour toi et moi. Ah, Nan! Faut pas que je pense à manger. J'ai trop faim. Anastasia s'enfila une bonne rasade d'eau fraîche et repartit clopin-clopant. Cela calma un peu le monstre qui triturait son ventre. Sans la lumière du jour, elle ignorait combien de temps s'était écoulé depuis le sommet du col. Après peut-être 20 minutes de marche, la fatigue raidit ses membres et les douleurs se réveillèrent. Elle s'arrêta, s'allongeant sur le sol froid, éteignit le briquet, mit l'autre sous sa tête et s'endormit d'un seul coup, épuisée.